إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أخي الفرقة أخذنا من هم؟ الفلسفة غلة الفلسفة الفلاسفة الفلاسفة نعم غلة الفلاسفة والجهمية وقطاع قرامطة قابطة قرامطة قرامطة والباطنية نعم ما هي طريقتهم في هم ينفوا كل شيء ينفون كل شيء يثبتوا نفي نعم Ils renient tous les noms d'Allah et ses attributs, et ils renient Al-Isbat ou Al-Nafi. Et on a dit ce genre de personnes-là aujourd'hui, c'est vraiment des cas extrêmes. Les extrêmes parmi les exagérateurs extrémistes de ces sectes-là. Donc, comme on a Ams, comme on n'a pas tout lu, si jamais tu ne sais pas tout ce qu'il y a à leur dire, et si tu sais plutôt ce qu'il y a tout à leur dire, ben, c'est une faïda pour toi, si tu ne sais pas, il y a d'autres rocs. Ça ne te nuit pas, ce n'est pas une chose essentielle. Contrairement aux autres sectes qui ont précédé. Elle, c'est déjà plus fréquent. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل قال علم مما سبق أن كل طائفة من هؤلاء طوائف الأربع واقعون في محاذير. Donc on a su maintenant que les groupes, comme on a cité précédemment, les quatre, qui sont Al-Ash'ira et Al-Mu'tazila et Al-Jahmiya et Al-Ghurat Al-Jahmiya ou Al-Falasifa ils ont tombé dans le méfait. Ce qui les amène à tomber dans cet égarement-là. Al-Awwalu Mukhalafat Tariqat Salaf. En premier lieu, qui sont opposés à la voie des Salafs. Al-Thani Ta'til Al-Nusus Al-Murad Biha. Qu'ils ont supprimé les textes. Athalis tahrifuha il ma'ani ghayl muradatin biha. Qu'ils ont altéré les textes également. Et le tahrif c'est un ta'til. Le tahrif c'est un ta'til car tu as annulé le sens de la chose. Arabi' ta'til Allah an sifat al-kamal lati tadammanatha hadhihi an-nusus. Et qu'ils ont supprimé les sifat d'Allah parfaites qui sont contenues justement dans ce texte qu'ils ont altéré. الخامس تناقض طريقتهم فيما أثبتوا وفيما نفوا. Qui sont tombés dans la contradiction, dans la façon de renier les choses et dans ce qu'ils ont affirmé. فنقول لكل واحد منهم في جانب الإثبات أثبت ما نفيت مع نفي التشبيه كما أثبت مع نفي التشبيه. On leur dit quoi chacun d'entre eux par rapport à l'Ithbat. On leur dit, affirme ce que tu as renié en reniant la ressemblance et affirme ce que tu as affirmé en reniant également la ressemblance. On a dit à eux, dans le cas du nafi, anfi ma anfaita khawfan min tashbih, kama nafaita ma nafaita khawfan min tashbih, illa kunta mutanaqidan, illa kunta mutanaqidan. Et par rapport au nafi, on leur dit, affirme ce que tu as renié par peur de faire du tashbih, comme tu as renié ce que tu as renié par peur du tashbih. C'est-à-dire, tu agis dans le sens opposé à ce que tu as fait. Tu as affirmé une chose et tu en as renié une autre par peur d'une chose. On te dit, c'est tout ce que tu as renié, affirme-la, d'accord, comme tu as affirmé la première. Et ce que tu as renié, ou plutôt ce que tu as affirmé et qui ne mérite pas d'être affirmé, renie-la comme tu as renié le reste en gardant la même niya qui est la peur de tashbih. Sinon, c'est-à-dire que tu es contradictoire. On l'a pris déjà tout ça dans les doulous. Alors, t'en as un code. Allez, pour ça. وَالْقُولُ الْفَصْلُ الْمُطْرَدُ السَّالِمُ مِنَ التَّنَاقُدِ مَا كَانَ عَلِيهِ السَّلَفُ سَلَفَ الْأُمَّةِ وَأَئِمَّتُهَا مِنْ إِثْبَاتِ اللَّهِ مَا أَثْبَتَ لِنَفْسِهِ من الأسماء والصفات وإثباتا بلا تمثيل ولا تنزيح ولا تعطيل وإجراء النصوص على ظاهرها على الوجه اللائق بالله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ويتبين هذا بأصلين ومثلين وخاتمة. Donc la parole juste à donner tranchante là-dedans qui sort de tout un accord contradiction, c'est d'être sur ce qu'ont été les salafs, tout simplement. D'affirmer ce que Allah a affirmé pour lui-même, dans son nom d'attribut, d'affirmer sans faire de tashbih, et en évitant tout artil, et de prendre les textes dans leur apparence également. Comme cela revient à Allah subhanahu wa ta'ala, sans faire de tahrif, de tartil, de takif et de tamthil. Et cela va apparaître par deux asl et deux exemples et une conclusion. Aujourd'hui, on va prendre nous les deux exemples, les deux asl plutôt, les deux asl. Par la suite, les deux exemples. Et la khatima, elle est basée sur plusieurs kawaïd qui sont cités chacune faslan, faslan. Inch'Allah. Aujourd'hui, on prend les aslan. Qala, fa'amal aslan. أن يقال لمن يثبت بعض الصفات دون بعض القول في بعض الصفات كالقول في بعض أي أن من أثبت شيئا مما أثبته الله لنفسه من الصفات ألزم بإثبات الباقي ومن نفى شيئا منه ألزم بنفي ما أثبت ما أثبته إلا كان متناقضا. Donc on dit que à ceux qui ont affirmé certaines صفات en dehors d'autres, on leur dit que la parole sur certaines صفات c'est la même parole que sur d'autres. Il n'y a pas de différence. Que celui qui a affirmé une chose que Allah a affirmée pour lui-même, parmi les sifat, il doit également affirmer le reste. Ce n'est pas qu'il prend certaines et l'on délaisse d'autres. Comme l'ont fait qui? Non. Sans quoi il tombe dans la contradiction. Les mutanaqid. قال مثال ذلك إذا كان المخاطب يثبت لله تعالى حقيقة الإرادة وينفي حقيقة الغضب ويفسره إما بإرادة الانتقام وإما بالانتقام نفسه فيقال له لا فرق بين ما أثبته من حقيقة الإرادة وما نفيته من حقيقة الغضب فإن كان يثبت حقيقة الغضب يستلزم التمثيل فإثبت حقيقة الإرادة يستلزم أيضا. Donc مثلا on dit pour ceux qui ont affirmé مثلا à Allah une volonté réelle et qui ont renié la colère. Car pour eux, la colère, c'est le fait que Allah veuille punir. Et eux, ils ont interprété la colère comme le fait que Allah veuille punir. Donc on leur dit, il n'y a pas de différence dans ce que vous avez affirmé. Et dans ce que vous avez renié dans la colère. Ce que vous avez affirmé dans la irada, et ce que vous avez renié dans la colère. Car si jamais pour vous le fait d'affirmer la colère ça inclut le tajbih, et bien on leur dit qu'affirmer la irada ça inclut le tajbih كذلك. وإن كان يثبت حقيقة الإرادة ليستلزمه فيثبت الغضب كذلك. لأن القول في أحدهما كالقول في الآخر على هذا يلزمك إثبات الجميع أو نفي الجميع. Car le fait, et si pour eux le fait d'affirmer l'irada n'inclut pas un tajbih, on leur dit qu'affirmer la colère également n'inclut pas un tajbih. Car parler sur l'un, c'est comme parler sur l'autre. C'est la même chose. Donc, à ce moment-là, tu es contraint soit d'affirmer les deux, soit de renier les deux. Mais tu ne peux pas différencier entre les deux. فَإِنْ قَالَ الْإِرَادَ الَّتِي أَثْبَتُهَا لَا تَسْتَلْزِمُ التَمْثِلِ لِأَنَّنِي أَعْنِي بِهَا إِرَادَةً تَلِقُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا تُمَثِلْ إِرَادَةَ الْمَخْلُوقِ. Donc, si jamais lui dit que moi, la volonté que j'ai affirmée pour Allah n'inclut pas un tajbih ou un tamthil, car moi, ce que j'ai voulu pour Allah comme volonté, alors, elle convient à Allah. Elle n'est pas comme celle de la créature. Donc, qu'est-ce qu'on leur dit, nous? De faire pareil avec le radab. Que tu affirmes pour Allah un radab qui revient à Allah, qui ne ressemble pas au radab, à la colère de sa créature. Et eux, ils disent, si il fait une qale, elle radab, roulienne, dem, el kalb, لطلب الانتقام فهذا لا يليق بالله تعالى. Si jamais il te dit que la colère c'est quoi? C'est que le sang monte jusqu'au cœur en désir de punir. Ça c'est une chose qui ne convient pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne lui convient pas. فقيل له, qu'est-ce qu'on lui répond? الإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفعه أو دفع مضرة وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. Donc on leur dit, ben, la volonté c'est quoi? C'est le penchant de l'âme pour pouvoir attirer un bien ou pousser un mal. Et ça également c'est une chose qui n'en vient pas à Allah. Donc c'est pareil. Et après s'il te dit que ça c'est la volonté du makhlouk, alors que celle de Allah lui revient, elle lui convient comme lui, comme cela lui doit, comme cela lui approprié. On lui dit, mal radab, dans le sens que tu as toi cité, c'est le radab de qui? Des makhlouk. Mal radab d'Allah, sa colère, c'est comme l'irada que tu lui as affirmé. Elle lui revient à lui, dans son sens approprié, qui lui spécifique. Donc on leur dit, soit tu affirmes le tout, soit tu renies le tout. Mais tu ne différencies pas entre les deux. فإن قال أثبت ما أثبته من الصفات بدلالة العقل عليه. S'il te dit, moi, j'ai affirmé les صفات parce que nous indique la raison. La raison les confirme. Ça, on y a répondu, comme le Shir le dit, déjà auparavant. Cette histoire de عقل. Auparavant, par trois réponses. Tu te rappelles trois réponses? Soit, c'est en premier lieu que c'est une mukhalafa de la tariq des salaf. Ils n'ont pas qu'à donner le aql sur le texte. On a dit également, le aql, il diffère chez les gens. Et ça va t'amener à tomber dans le tanakud, contradiction. Des fois, tu vas voir ton aql, il va dire une chose, ce qui va te contraindre à te contredire le lendemain. Et les gens, eux-mêmes entre eux, le aql diffère. Donc, on n'a pas de mizan universelle pour tout le monde. Et on avait dit également que le aql, il n'est pas en mesure de cerner le tafsil fi dhatillah ta'ala. On a dans des textes, des akhbar. Donc, cette réponse-là, elle est fausse, de leur part. Donc, ça, c'est le premier asl qu'elle a appris, du fait qu'on ne peut différencier entre le sifat. D'accord? Une sifat, si tu l'affirmes, tu les affirmes toutes. Et si tu les renies, tu les renies toutes. Mais qu'à la base, on ne peut pas les renier. الأصل الثاني أن يقال من يقر بذات الله تعالى ويمثل في صفاته أو ينفيها القول في الصفات كالقول في الذات. Deuxième أصل, c'est pour ceux qui affirment un ذات à Allah, qu'on dit un ذات, c'est une essence. Et que par la suite, il fait ressembler, soit il fait ressembler à Allah la créature, ou soit il renie ses صفات totalement. Mais là où ils sont tous d'accord, c'est qu'ils attribuent à Allah un zat. Et t'en as parmi ceux qui affirment le zat, ils ont fait ressembler à la créature dans ses sifat, et d'autres couronnent toutes les sifat. D'accord? On leur dit que la parole sur le zat, c'est la même parole que sur le sifat. Tu ne peux différencier entre les deux. D'accord? Tu peux différencier entre zatillah ou sifati. يعني ان من اثبت لله تعالى ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين لازمه ان يثبت له صفات لا تماثل صفات المخلوقين. Donc on dit que ceux qui ont affirmé que Allah il a un ذات qui ne ressemble pas au ذات des مخلوقين, alors il est contraint de lui affirmer ses صفات de façon qu'il ne ressemble pas à celle des مخلوقين كذلك. لان القول في الصفات كالقول في الذات وهذا الاصل يخاطب بها اهل التمثيل واهل التعطيل. Ahlu al-tamthil wa ahlu al-ta'til min al-mu'tazila wa nahwihim. Car le fait de parler sur le zat, c'est comme parler sur le sifat. Et maintenant, ce asl s'applique pour qui? Pour les gens du tamthil et les gens du ta'til. Comme on l'a dit tout à l'heure, comme c'est un tamthil, bon, on n'a pas de nom de secte en islam, mais parmi les gens du ta'til qui rentrent là-dedans, c'est les mu'tazila. Car ils reconnaissent anna lillahi zatan. Adha ou yuzbituna. Ou yukolli ahlu al-tamthil alestum لا تمثلون ذات الله بذوات المخلوقين فلماذا تمثلون صفاته بصفات خلقه أليس كلام في الصفات فرعا عن الكلام في الذات. Donc on dit aux gens de tamthil, ceux qui font ressembler à Allah, on leur dit, n'avez-vous pas attribué un ذات à Allah différent du ذات des مخلوقين? Ils vont te dire si. Alors pourquoi vous faites ressembler ces صفات à celle de sa création? N'est-ce pas donc que la parole sur les صفات est une branche du kalam dans zat? D'ailleurs, c'est pareil. Wa yuqal li ahli at-ta'til min al-mu'tazila wa nahwihim alastum taqulun bi wujud zat la tushbih al-zawat fa kadhalika qulu bi sifat la tushbih as-sifat. On dit ahli at-ta'til parmi les mu'tazila, n'avez-vous pas vous affirmé l'existence d'un zat qui ne ressemble pas aux zawat des makhluqat? Donc de la même façon, agissez de la même façon que les sifat. Vous les affirmez, بدون تشبيه وسد مخلوقات. مثال ذلك إذا قال الله إن الله استوى على العرش، كيف استواؤه؟ كيف استواؤه؟ Si Allah te dit qu'il s'est instauré sur l'arche, comment est cet istiwa? فيقال له القول في الصفات كالقول في الذات فأخبرنا كيف ذات كيف ذاته. Donc on leur dit que le قول dans les صفات c'est comme le قول dans le ذات. Donc si tu demandes son istiwa comment il est, on va te demander son ذات comment il est. Son ذات comment il est. Il te dira, je ne connais pas le kefia du ذات. Donc nous on dira, on ne sait pas le kefia du istiwa. Car c'est la même chose. Le kelam fi ذات ou le kelam fi صفات. Donc à ce moment-là, il est obligé de reconnaître l'istiwa, voyez, tel qu'il est, sans chercher à le faire ressembler à celui de la créature, et sans, en reconnaissant qu'il ne connaît pas le kefia. Le kefia, c'est le comment. Tout comme il a reconnu, voyez, qu'il y a un zat avec une haqiqa qui ne ressemble pas à celle des makhloukat, mais qu'il ne connaît pas le kefia. Donc là, c'est pareil. On dit, la règle, en fait, c'est quoi? Tu agis dans le zat comme tu agis dans le sifat. C'est ça, la règle. Et là, c'est pour ceux qui ont reconnu un zat. Mais les djahmiyyah, les rois de djahmiyyah, ils n'ont pas reconnu. Ils n'ont pas reconnu. Comme a parlé Malik wa Sheikhuhu wa Rabi'a wa ghayruhuma fi l'istiwa. L'istiwa ma'loum, wa l'kif majhoul, wa l'imen bihi wajibu, wa s'u'alu anhu bida'a. Comme l'a dit Malik et son Sheikh Rabi'a, c'est Rabi'a ibn Farouk al-Taymi. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Car le kalam souvent attribué à Imam Malik, et en fait il a pris de son Sheikh Rabi'a. À propos de l'istiwa, qu'est-ce qu'il a dit? L'istiwa, il est connu. Le comment est ignoré. Et l'hymen, la foi en cela est obligatoire. Et la question à son propos est une bid'a, une innovation. Il avait dit ça à un homme qui avait demandé l'istiwa kaif. Et après, il l'a expulsé de son cercle de science. Donc quoi? Faqoulou l'istiwa ma'loum. L'istiwa est ma'loum comment? Ma'loum el ma'na. Son sens est déconnu en langue arabe. Allati nazala biha al-Qur'an. Par laquelle le Coran est descendu. Et cet istiwa, l'istiwa, le verbe istawa yastawi, comme le chien le cite, là on dit directement, il peut avoir différents sens en fonction du harf au jar qui lui est attribué. Tu peux dire istawa, vous voyez, ala. Tu peux dire istawa, ila. Wa akada. Mathalan, comme a dit Azza wa Jal, quand tu mets ala, istawa ala, ça veut dire se mettre sur une chose, comme a dit Azza wa Jal, وإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. Si jamais tu montes toi, ceux qui sont avec toi, sur le bateau. Surat al-Mu'minin, verset 27. Là, c'est quoi? إذا استويت على. وقال عز وجل لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. Là, c'est lorsque tu montes sur une monture et ensuite tu cites les ni'ma d'Allah, de votre Seigneur, lorsque tu montes sur cette monture. Az-Zukhruf, verset 13, l'ornement. Ce istawa avec le harfoujal ala, c'est s'instaurer avec une élévation sur la chose. Et des fois, tu peux dire istawa ila kafikul azza wa jal, thumma istawa ila samai fasawahunna sab'a samawat. Ça, ça veut dire qasada. Istawa ila, ça veut dire qasada. Et istawa sans rien, dans le verset, istawa tout seul, ça veut dire une chose, elle se stabilise. Elle se stabilise. Donc en fonction du hafoujar qui vient derrière, le sens change. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit istawa ala l'arche. Donc c'est quoi? C'est un sens de roulou, d'élévation et d'instauration. Cependant, son istiwa n'est pas comme celui de la créature. Donc le sens d'istawa, on le connaît. Ada wal al-qas min hada al-kalam. Le sens de kalam istawa, kalimat istawa, on le connaît. Après il change en fonction du harfoujar qui est derrière. Et nous on veut istawa ala bimana al-ulu. L'élévation, la hauteur. Wa qawluhu wal kayf majhoul. sa parole, le comment est ignoré. L'istiwa d'Allah, son comment, il est ignoré. On ne sait pas. Et cela de trois points. Al-awwalu anna Allah akhbarana ana ustawa ala arshihi wa lam yukhbirna kayfa astawa. Premièrement, que Allah nous a informé qu'il s'est stawa sur son arche, il ne nous a pas dit comment il l'a fait. Ça, c'est de 1. Athani anna al-ilm bi kayfiyati sifat far'un 'an al-ilm bi kayfiyati al-mawsuf wa huwa al-dhat. Fa idha kunna la na'lamu kayfiyata dhatillahi ta'ala فكذلك لن نعلم كيفية صفاته. Et deuxième point, c'est que la science du kayfiyah, le savoir du kayfiyah, du comment, dans la sifat, un attribut, c'est une branche du savoir du kayfiyah dans le mot souf, ce que tu as décrit. Et c'est le zat d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça revient ce qu'on a dit au début. Si on ne sait pas comment le zat d'Allah, on ne saura pas comment sera son istiwa. Car son istiwa, c'est une sifat. Et ça, Alice, troisième point, pour répondre par rapport au kayf. أن الشيء لا يعلم كيفيته إلا بمشاهدته. Comment on veut le dire maintenant? أو مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق عنه. وكل ذلك منتف في استواء الله عز وجل على عرشه. وهذا يدل على أن السلف يثبتون الاستواء كيفية لكنها مجهولة لنا. Donc, troisième chose, qu'une chose pour nous, on ne peut connaître son comment, ce n'est en l'ayant déjà vu, ou en ayant déjà vu son équivalent. Ou alors, on a reçu une description précise de cette chose-là. Une description véridique. Et tout cela par rapport à Allah spontané, ce n'est pas possible. Ni on ne l'a vu, ni on a vu son équivalent, car il n'y en a pas, et ni on a eu de khabar précis par rapport à son kayfiyah. On a un khabar du sens connu, mais le kéfir, on ne le connaît pas. Donc là, ça nous montre quoi? Que les salafs affirment qu'il y a un kéfir, un comment à l'estiwa, seulement on ne le connaît pas. On ne dit pas qu'il n'y a pas de kéfir, on dit qu'il y a un kéfir, mais on ne le connaît pas. Le comment, on ne le connaît pas. Mais il y en a un. D'accord? Il y en a un. Et, قوله وليمن به واجب, la foi en l'estiwa est obligatoire. Ça, c'est une chose qui est obligatoire. Car Allah subhanahu wa ta'ala l'a informé. Il l'a dit de lui-même. Thumma stawa ala al-arsh. Et Allah subhanahu wa ta'ala wa alam bi nafsihi, plus savant de lui-même. Wa asda qawlan wa asana haditha, qui n'est pas plus véridique que lui et pas de meilleure parole que lui. Fajtama'a fi khabarihi kamal al-ilm wa kamal al-sidq wa kalam al-irada wa kamal al-fasaha wal-bayan fa wajaba qabuluhu wal iman bihi. Donc là, dans ce khabar là, dans Allah subhanahu wa ta'ala, on a mélangé entre, on a lié entre la perfection de la science, la perfection de la véracité, et la perfection de la volonté, jusque-là il a voulu, et la perfection de l'éloquence. Donc nous, qu'est-ce qui nous inclut? Nous incombe par rapport à ça, comme on l'a dit au début du livre, par rapport au khabar, c'est quoi? Comment on reçoit le khabar, nous? Tazdik ou takzib. Mais nous, ce qui nous est obligatoire, c'est d'accepter. Là, il s'adresse à qui? Au mu'minin, au kuffar. Il parle aux croyants. Donc nous, cette istiwa, on doit y croire. Le kayfiyah, on ne la cherche pas, on ne la connaît pas, tout en sachant qu'il y a une kayfiyah. D'accord? Et le sens de l'istiwa, nous, on le connaît. Quand on dit istiwa, ce que ça veut dire istiwa. Thumma qal, wa su'alu anhu, ay, an kayfiyatihi bid'a. Le fait d'interroger à propos du kayfiyah, du comment, ça c'est une innovation. C'est une bid'a. Pourquoi? Car cette question-là n'a pas été posée à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ni à l'époque des Khulafa Rashidin. Et ça, c'est parmi les choses de la religion, d'interroger là-dessus. Donc ceux qui étaient avant nous, qui étaient meilleurs que nous, ne l'ont pas fait. Comment nous, aujourd'hui, on va le faire? Et il dit, لِيَنَّ السُؤَلَ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ مِنْ سَمَاتْ أَهْلِ الْبِدْعَ. Et la question à ce sujet-là, c'est parmi les signes des gens de l'innovation. ثم ان السؤال عنه مما لا يمكن الاجابه عليه فهو من التنطع في الدين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. Et le fait de t'interroger à ce sujet-là alors que la réponse est impossible, cela fait partie de quoi? De l'exagération en religion. Et le prophète صلى الله عليه وسلم l'a dit que périssent les exagérateurs. Hadith rawahu Muslim. Apporté par Muslim. Halaka المتنطعون At-tanattu' fi din, l'exagération, en vouloir trop. Car tu veux aller plus loin que la limite qui t'a été imposée. فنختم قال وهذا القول الذي قاله مالك وشيخه يقال في صفة نزول الله إلى السماء الدنيا وغيره من الصفات إنها معلومة المعنى مجهورة الكيفية وإن الإيمان بها على وجه المراد بها واجب والسؤال عن كيفيته وعن كيفيتها بدعة. Donc on dit par exemple ce qu'elle aime qu'on vient de dire par rapport au stiwa, on le dit également par rapport au fait que Allah descende au troisième tiers de la nuit, au sommet de Dunya. Qu'est-ce qu'on dit? Le sens de la descente, on le connaît. Le kayfiyya, on l'affirme, on ne le connaît pas. Et l'imen bi wajib, on doit y croire. Et la question sur ce sujet, c'est quoi? Bida. Et toutes les sifat. D'accord? Toutes les sifat, c'est la même règle. On y croit. Le sens, l'imen est obligatoire, on doit y croire. Le sens, il est connu. Le kéfia, on l'affirme, on dit qu'on ne le connaît pas, mais on dit qu'il y a un kéfia. Et la question à leur sujet, du comment, c'est une bida. Naam. Hada al-Zi akhazna al-Yom, qui était les aslan, par rapport aux méfaits dans lesquels sont tombés les gens, les quatre tawaif qu'on a pris, que le kalem, dans les sifat, entre elles, on ne peut différencier. Soit tu les affirmes toutes, soit tu les renies toutes. Et le zat kazalik. Et troisième chose, c'est quoi? Que le sens nous est connu. Troisième os, c'est le kalam d'Imam Malik. Le sens est connu. Le kefir, on ne le connaît pas, le comment, mais on sait qu'il y a un kefir. On doit y croire. Et que la question à ce sujet-là, du comment, c'est une bid'a. Av, à la vie à l'Yom. Ou là où je vous ai appris les os lain, ou à radet, c'est la chouze et misalain, inshallah. فإلى هنا والحمد لله رب العالمين.